Je la conduisis moi-même à l'hôtel. Je payai la cérémonie. J'offris à dîner à toute la noce. Je fis grandement les choses, enfin. Puis, bonsoir, mes enfants. J'allais passer 6 mois chez mon frère en Touraine. Quand je fus de retour, j'appris qu'elle était venue chaque semaine au château me demander. Et j'étais à peine arrivé depuis 1 heure que je la vis entrer, avec un marmot dans les bras. Vous me croirez si vous voulez, mais ça me fit quelque chose de voir ce mioche. Je crois même que je l'embrassais. Quant à la mère, une ruine, un squelette, une ombre, maigre, vieille, bigre de bigre, ça ne lui allait pas le mariage. Je lui demandai machinalement, « Es-tu heureuse ?» Alors, elle se mit à pleurer comme une source, avec des hoquets, des sanglots, et elle criait, « je ne peux pas me passer de vous maintenant, j'aime mieux mourir, je ne peux pas !» Elle faisait un bruit du diable. Je la consolai comme je pus, et je la reconduisis à la barrière. J'appris à des fées que son mari la battait, et que sa belle-mère lui rendait la vie dure, la vieille chouette. 2 jours après, elle revenait. Elle me prit dans ses bras. Elle se traîna par terre. « Tuez-moi, mais je ne veux pas retourner là-bas. » Tout à fait ce qu'aurait dit Mirza si elle avait parlé. Ça commençait à m'embêter, toutes ces histoires. Et je filai pour 6 mois encore. Quand je revins, j'appris qu'elle était morte 3 semaines auparavant, après être revenue au château tous les dimanches, toujours comme Mirza. L'enfant aussi était mort, 8 jours après. Quant au mari, le madré coquin, il héritait. Il a bien tourné depuis, paraît-il. Il est maintenant conseiller municipal. Puis M. de Varnotto ajouta en riant, « C'est égal, c'est moi qui fais sa fortune à celui-là. » Et M. Séjour, le vétérinaire, conclut gravement, en portant à sa bouche un verre d'eau de vie. « Tout ce que vous voudrez, mais des femmes comme ça, il n'en faut pas. »